Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. D'ailleurs, je suis en train de faire mes réglages en plein live, youpi. Et pour l'émission de ce soir, hein, on est avec Mika, vu que c'est une émission musicale. Bonsoir Mika. Bonsoir Lou et bonjour à tous. Et on est bien entendu, comme je l'avais annoncé quelques minutes auparavant, avec l'artiste que vous avez entendu tout à l'heure pour son morceau « Les tours de rond-point », Leïla Huissou. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Alors Leïla, si tu es là avec nous au téléphone, hein, vu que tu n'es pas en présentiel, et d'ailleurs je le dis tout de suite, je ne pourrais pas annoncer le numéro à l'antenne pour ce soir, vu que la ligne est occupée. Si tu es avec nous ce soir, c'est pour la sortie de ton album tout frais, ton deuxième album d'ailleurs, qui s'intitule Auguste, qui est sorti le 9 novembre dans les bacs. Alors, on a envie d'apprendre à te connaître un petit peu et on a entendu un petit peu et de toute façon, on découvrira ton univers dans cette émission. Mais je voulais en savoir plus par rapport à ton parcours musical, parce que si tu es là, tu es une artiste musicale. Comment ça a commencé avec la musique ? Alors, ça a été un long cheminement parce que je suis pas... très musique en fait, je suis dyslexique, c'est ça à la base, je suis dyslexique et donc j'ai eu un grand amour pour les recueils de poèmes parce que c'était des livres, donc j'avais le droit d'avoir des vrais livres, mais je pouvais lire une seule page, un seul poème reposé et j'avais eu l'histoire complète quoi, un livre entier c'était pas possible à l'époque, et donc j'ai nourri une petite passion pour la poésie jusqu'à me mettre à en écrire. Sauf qu'en plus d'être dyslexique, j'étais complètement bègue, petite, et donc je pouvais pas lire mes poèmes aux gens. Et comme ils étaient illisibles, parce que j'écris comme dyslexique, je me suis dit, bon, comment je fais pour l'amener aux oreilles des gens? Il se trouve que le chant, mais comme ça a fini par m'enlever même tout bégaiement, mais à l'époque, déjà, quand je chantais, ça me l'enlevait, donc je me suis mise à chanter pour amener mes poèmes aux gens, quoi, pour les lire aux gens. Et donc c'est parti comme ça, et mon papa fait la même chose que moi, il écrit des chansons, il fait de la guitare, et il chantait sur le canapé. Donc voilà, j'avais une guitare à disposition, donc j'ai commencé à faire ça, et voilà, ça a fini par faire des chansons avec tous mes, tous mes détours, mes virages et tout ça pour arriver à faire des chansons, voilà. Ah ben on peut dire que tu en as fait du chemin et c'est un chemin plutôt impressionnant vu qu'il t'a mené en 2014, si je ne me trompe pas, sur les plateaux du télécrochet The Voice. Oui, tout à fait. Oui. Alors ça a été aussi un grand chemin, enfin un grand hasard, chance ou je sais pas, que je venais juste de passer mon bac et je suis allée à Strasbourg et comme je connaissais personne dans cette ville, j'en ai profité pour faire un truc, un peu une espèce de petit défi à moi-même, d'aller chanter dans la rue et en fait je me suis prise au jeu et je faisais ça le jeudi après-midi, j'allais jouer dans la rue et en fait c'est Lucas Bogas qui avait fait l'année d'avant The Voice qui m'a pris pour ouvrir ses concerts. J'avais trois chansons à l'époque, donc je faisais mes trois petites chansons et ça faisait marrer lui, en tout cas ça le faisait marrer et du coup c'est lui qui m'a mis sur le truc pour faire The Voice et me voilà partie à Paris, c'est n'importe quoi. Mais ravie d'avoir eu toutes ces petites chances. Voilà. En effet, on peut le dire, déjà rien que là, c'est un sacré parcours. D'ailleurs, je peux me permettre, je pense, de dire aux auditeurs que tu es assez jeune. On va peut-être pas préciser ton âge, hein. Je crois généralement ça se fait pas trop. Mais voilà, tu es jeune, tu as du cran, tu as du talent, tu as une voix aussi, de toute façon, on va en parler. Mais tu m'as interpellé, donc avant même de participer à The Voice, tu as interprété 3 chansons pour faire une ouverture de concert. Ces chansons étaient déjà de toi ? Oui, mais justement, j'en avais écrit que 3. Alors, je ne sais pas à quel moment on peut dire c'est une vraie chanson ou pas. On va dire que tant qu'il y a un texte et une musique, c'est une vraie chanson. Donc, ouais, j'avais écrit mes 3 premières chansons pour l'occasion. Voilà. Que sont-elles devenues, ces chansons ? Alors, il y en a que j'essaye de faire disparaître. Après, il y a, moi, depuis le début, j'ai un public. Enfin, j'ai en tout cas à chaque fois quelqu'un ou quelques personnes qui filment tout. Du coup, il y a tout. Et je retombe sur des vidéos YouTube de moi à 16 ans en train de galérer. Donc elles existent et il y en a certaines donc j'essaye d'enfouir, de cacher. Et il y en a d'autres qu'on a enregistrées qui sont restées. Sont restés assumés les premières chansons, mais j'essaye un peu de les faire disparaître quand même. Elles sont sur aucun de tes 2 albums ? Non, en fait, elles sont sur un truc qu'on avait fait, mais entre copains, on avait fait un petit EP, on avait enregistré 4 chansons dans le salon d'un copain qui fait un peu de son, et donc on l'avait quand même enregistré. Donc il existe un EP, le tout premier truc enregistré de Leïla Ibissou, voilà, dont j'ai un peu honte, mais qui existe dans un carton sous mon lit. Ton premier album est paru l'an passé, il s'appelle L'Ombre et il a la spécificité d'avoir été enregistré en concert. Pourquoi ce choix ? Justement parce que le studio c'est quelque chose qui s'apprend, c'est vraiment un autre travail que la scène et moi c'est un travail que je connaissais pas et que je savais pas encore faire. Parce qu'à la base je pensais l'enregistrer en studio et on a fait quelques premières séances et je me suis rendu compte que j'avais vraiment vraiment du boulot avant de réussir à enregistrer en studio avec un clic et de pas perdre la vie, enfin l'histoire de la chanson, parce que chanter face à quelqu'un, lui raconter une histoire, ou chanter face à personne dans une boîte avec un casque et un clic dans les oreilles, c'est quand même pas la même affaire, en tout cas pour faire passer un message ou pour interpréter. Et donc je ne savais pas encore faire. Et quand je me suis rendu compte en écoutant et en galérant au studio que j'avais du boulot, et je me suis dit pour l'instant on va faire ce que je sais faire. Donc je vais bosser le studio pour pouvoir faire justement ce deuxième album plus tard, etc. Mais pour l'instant on va faire ce que je sais faire, comme je sais le faire. Donc on va enregistrer avec les gens sur des vrais concerts, parce que ça je me sens, je sais faire. En tout cas ça ressemble à ce que je fais. Et voilà. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas faire autrement à ce moment-là. Sur ce premier album, il y a une chanson qui m'a interpellé, puisque les autres, qui s'intitule Alexis HK, du nom de l'auteur-compositeur-interprète que nous connaissons bien ici dans les Vosges, puisqu'il est venu en résidence pendant 2 ans, et il a tourné ici, à Remiremont, à Gérardmer, Épinal, un peu partout dans le coin. Et pourquoi tu as voulu lui écrire une chanson ? Alexis, il a joué un rôle pour moi assez important, parce que déjà je pense qu'il a commencé à se faire entendre un petit peu vers l'année de ma naissance. Alors j'espère qu'il le saura pas parce que ça va le vexer, mais voilà, je crois que Ce que t'es belle, là, une des chansons qui a le mieux marché de lui, c'est 96 et moi je suis née en 95. Et du coup j'ai dit mon âge, voilà, ça y est, c'est balancé. et il se trouve que c'est un chanteur que j'écoutais pour m'endormir. J'ai juste une enfant un peu insomniaque, un peu machin, et il m'a beaucoup accompagné dans ces moments pas drôles, toute seule dans mon lit. Et c'est une voix qui m'a beaucoup rassurée, qui est très très ronde, très chaude. Il y a une élégance, il y a une classe dans ce qu'il fait, où j'en ai fait tout un personnage qui m'a vraiment accompagnée plus jeune et puis en grandissant aussi. Et et là où ça a été très très important, c'est que moi j'ai grandi avec Brassens, avec Barbara, avec Ferré, avec ça, c'est ce qu'écoutait mon papa, ce que m'a fait découvrir mon papa, avec que des gens qui font de la grande chanson et de la belle chanson, mais qui étaient morts en fait. Et Alexis, c'est le seul vivant que j'écoutais. Et ça a été important parce que du coup, c'est celui que j'ai pu aller voir en concert, donc c'est tous mes premiers concerts. Et du coup, de voir du Brassens aussi, là, il n'y a pas longtemps, il a fait un spectacle qui s'appelle Georges et moi, qui est incroyable. Et de voir alors Brassens, que j'ai beaucoup écouté aussi, chanté par cette voix que j'adore et qui me rassure. C'est quelque chose qui m'a accompagnée. J'ai inventé tout un personnage imaginaire dans ma tête. La première fois que j'ai vu en concert, le micro du chant, il me paraissait tellement haut, tellement grand, que je pensais que c'était une perche qui allait prendre quelque chose par-dessus. Et il est arrivé sur scène, il s'est mis, il était la bouche à la hauteur du micro. Et je me suis dit, mais il fait 2,12 m, c'est pas possible. Et donc j'en ai fait un être complètement imaginaire. Et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était presque compliqué pour moi d'en faire quelqu'un de vivant, réellement. Mais bref, je vais pas m'étendre sur Alexis, ça peut durer des heures. Mais quand même, qu'est-ce qu'il pense de la chanson que tu lui as écrite ? Alors il m'a dit, moi j'ai très honte de cette chanson parce que ma dyslexie qui me pourchasse là, j'ai fait une fausse liaison, je dis la femme aux 1000 amants, c'est une de mes chansons, au lieu de dire la femme aux 1000 amants, et je m'en veux, mais si vous saviez, non. j'ai honte, donc j'ai pas cherché à lui faire écouter la chanson, mais il l'a quand même entendue et il est hyper bienveillant, donc il m'a pas parlé de ma liaison, même si je sais que ça a dû lui faire mal aux oreilles. Il m'a dit que c'était la première fois qu'on lui faisait une chanson et que ça l'avait touché, qu'il était content. Voilà, gentiment. Mais faut pas avoir honte, hein, Laïla, parce que les fautes d'orthographe, ça peut faire aussi partie de l'originalité d'une chanson. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'une chanson de Bachung sur le dernier album. Enfin, dernier album, d'ailleurs, il y en a un qui va sortir vendredi. Hein, mais sinon, le dernier album en date, il y a 10 ans, Bleu Pétrole, est une chanson écrite par Gaëtan Roussel, où il dit « Un jour, je courirai moins ». D'ailleurs, je ne sais plus le titre, je ne sais plus si c'est « Je t'ai manqué » ou il me semble. En tout cas, et Gaëtan Roussel expliquait que c'était parti d'un échange avec Alain Bachung. Et puis voilà, Gaëtan Roussel avait fait la faute, je crois, un peu pour rigoler. Puis finalement, Bachung a voulu la garder. Donc ça peut... Moi j'ai hésité à dire que c'était fait exprès parce que quand j'étais petite je zotais, puis du coup je disais la femme aux 1000 amants et puis c'était licence poétique, mais après je me suis dit non, c'est pas vrai, il faut assumer, c'est une faute. Faute qui a certainement son charme, donc selon les suggestions de Mika, on va s'écouter Alexis HK si tu le veux bien, et on va se retrouver juste après la pause musicale. Plafond trop haut pour y coller des étoiles. J'avais pendu mes stylos, ça rend le vide moins banal. Je rêvais de ce garçon quand ma couette décidait de m'engloutir du cou au peton parce que la nuit était tombée. Lui, la voix grave, articulant chaque syllabe, la classe la plus nonchalante qui soit, ses valses me calmaient déjà. J'avais pendu toutes les couleurs, ne sachant pas si mon gangster préférait coucher ses humeurs en rouge, en bleu, en noir, en vert. Lui, l'homme du moment, chantait la femme aux 1000 amants en caressant sa guitare, et moi j'avais plus peur du noir. Quand il voudra mettre du vent, chanter son destin de chômeur intermittent, il pourra penser peut-être à celle qu'il voit gangster vedette. Tous les matins, suivant ses traces, le regard lointain, l'air blasé, j'articulais mon Brassens debout sur les cabinets. Quelle meilleure scène pour débuter, surtout qu'en face des toilettes il y avait un miroir accroché, je pouvais détailler mes scénettes. faisait la femme aux mille amants, en caressant sa guitare. Et moi j'avais envie de vous voir quand il voudra mettre du vent, chanter son destin de chômeur intermittent. Il pourra penser peut-être à celle qu'il voit, gangster vedette. Je me souviens m'être demandé où il pouvait bien répéter. Il était trop grand pour les chiottes, il serait vu que les fesses et les pieds. Si tu veux bien, Alexis, je te monte d'une étagère, je te mets sur celle des génies qui ont su l'être sans en avoir l'air. Quand tu voudras mettre du vent, chanter ton destin de chômeur intermittent, tu pourras penser peut-être à celle qui te voit gangster vedette. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez à l'instant écouté le morceau Alexis HK de Leïla Huissou, de son premier album L'Ombre, sorti le 17 mars 2017. D'ailleurs, Leïla Huissou qui est toujours avec nous par téléphone, n'est-ce pas Leïla ? Toujours là. D'ailleurs, on a écouté et franchement, si tu nous l'avais pas dit, moi, la liaison, elle m'a pas choquée du tout. C'est seulement maintenant que t'en as parlé que j'ai fait attention aux détails, mais soit dit en passant, oui, je l'ai trouvé très attendrissant et ça se trouve, j'aurais peut-être prononcé comme toi. Enfin bref. Donc ça, c'est pour ton premier album et un an et demi plus tard, voilà que tu en sors un nouveau qui s'intitule Auguste, qui est sorti le 9 novembre. Donc il est tout frais avec 12 chansons. Dis donc, oui. 12 chansons et un univers bien différent, ça on le verra bien dans quelques instants. Il a fallu, en un an et demi, hein, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup de travail, j'imagine, pour faire un deuxième album un an et demi après le premier. Bah, ce qui était dur, c'est que j'ai essayé de faire mieux, et qu'effectivement, il faut... C'était plus compliqué pour moi là. Mais j'ai beaucoup moins écrit que pour le premier. On a fait un choix entre une cinquantaine de chansons, parce que ça veut pas dire que c'était toutes des vraies chansons ou des bonnes chansons, mais j'en avais écrit en tout cas beaucoup, j'avais beaucoup écrit. Et là pour le deuxième, il n'y a que ce qui existe sur l'album. Il y en avait 12 et les 12. Voilà, je pense que j'avais envie de faire mieux. Essayer en tout cas. Bah, essayer, et puis non, franchement, enfin très personnellement, je l'ai trouvé très bien. De toute façon, les auditeurs vont écouter quelques morceaux courants de l'émission, vous inquiétez pas, et ça se trouve, le temps va manquer, donc on en passera peut-être encore un après le générique, donc restez présents. Mais dans tous les cas, hein, ce que j'ai bien relevé de ton premier album, hein, il me semblait quand même très épuré, chanson, guitare, un tout petit peu de piano, si je me trompe pas. Et le nouveau, il est... vraiment différent. Plus orchestré. Ah ouais, beaucoup plus arrangé, oui. Ouais. Jusque-là, le premier, j'avoue que bon, je pense que c'est important, un peu comme les dessins d'enfants, de garder des traces. Et je suis contente d'avoir ce premier album en live, avec ses défauts, avec toutes ses faiblesses, etc. Mais là où pour moi c'était difficile à défendre. C'est sur l'aspect musical, parce que j'ai jamais, encore une fois, je suis pas quelqu'un de très très attiré par la musique, ni très connaisseur, ni très enfin, voilà, j'ai rien dîné là-dedans, je complexais un peu de mon accompagnement musical et même de la composition tout court des chansons, et qui pouvaient se ressembler entre elles. En plus, c'est vraiment quelque chose qui était difficile pour moi. Autant j'ai pas honte de dire que je suis fière de l'écriture, et même s'il y a des trucs que je trouve très jeunes, etc., je trouve que c'est respectable pour l'adolescente qui grandit que j'étais au moment de l'écriture. Mais la musique, c'était un vrai complexe. Et donc là, sur le deuxième album, comme on était en studio et que j'ai pu me permettre, grâce aux gens qui m'accompagnent, aux gens qui m'entourent, d'avoir un plus gros budget aussi pour demander à d'autres personnes plus compétentes de travailler avec moi, j'ai décidé de rien m'interdire et d'essayer à fond, vraiment, de me dire qu'est-ce que j'aimerais entendre comme musique, de prendre un vrai temps pour la musique, de pas juste me dire, bah tant pis, moi je fais des textes, et puis le reste, joue, hein, la mineure, mi-mineure, ça ira très bien. Et donc j'ai vraiment essayé de me dire, je fais pas de choix entre la musique et les paroles, je veux que les deux soient bien. Je veux qu'on puisse lire les paroles et se dire c'est bien, et je veux qu'on puisse écouter la musique sans texte et se dire bah, c'est de la bonne musique. Et je pense que cet album, même sans voix, sans chant, sans texte, ce serait un bon album musical. Parce que si mon mari qui a fait les arrangements, déjà c'est un tueur. D'ailleurs c'est le contrebassiste d'Alexis HK. Donc oulala, c'était beaucoup d'émotions qui me disent d'accord pour m'aider à faire cet album. Et ça fait que je suis fière de cette musique, voilà. Et ça, c'était pas gagné. En effet, comme tu l'as dit, et comme Mika l'a dit, il est très orchestré. Hein. Là, on entend, je crois, de la trompette, on entend tes cordes, surtout des violoncelles, je crois. Il y a un quatuor à cordes qui a joué, donc violon, alto, violoncelle. Il y avait tout, puis il y a de la contrebasse, il y a de la batterie, il y a du piano, il y a du banjo, il y a du cymbalum, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais que des instruments acoustiques. Oui. On n'a pas fait de son, on n'a pas mis de son électronique ou autre sample, on n'a pas fait ça. Mais oui, dans tous les cas, hein, c'est encore un autre univers que tu proposes avec des chansons aussi très différentes. Hein, ça, on l'entendra bien, presque écrite au vitriol. Hein, c'est assez tranché. C'est assez marrant, comme tu le disais, tes textes, tu les as écrits. Enfin, tu vois l'adolescente qui grandit. Je répète bien entendu ce que tu as dit. Et ces textes, hein, on le verra bien, hein, je les trouve écrits de manière très lucide, avec une voix très enfantine. Ça crée un décalage, mais ça interpelle aussi beaucoup. Ça, j'avoue que c'est pas fait exprès. ma voix, d'ailleurs, j'ai du mal à savoir à quoi elle ressemble. Moi, j'ai du mal à avoir un avis dessus. Alors, c'est ni que je l'aime, ni que je l'aime pas, hein, mais elle est comme ça. Par contre, j'essaie d'écrire. Il n'y a pas d'objectivité à trouver parce qu'on ne peut pas, et qu'en plus, l'art, c'est un peu. Sans la subjectivité, il n'y a pas d'art, en fait. Donc voilà, mais j'essaye d'avoir l'air juste à chaque fois, enfin de tempérer. Mais ce qui était important au niveau des textes là sur le deuxième album pour moi par rapport au premier, c'est un journal de jeune fille. Je parle de moi, de moi, de moi et de moi. Et j'avais vraiment envie de rentrer, d'ouvrir le truc aux autres sur le deuxième album et d'arrêter de parler que de moi. En tout cas, la première personne est toujours très présente, mais c'est pas toujours moi et je rentre dans d'autres personnages. Je peux interpréter d'autres personnages, je peux être un garçon, je peux être un peu ce que je veux. Et ça, c'était vraiment important pour moi, d'arrêter d'être que dans le vrai récit de ma personne. Parce qu'il y a un moment quand même, Oui, en parlant de personnages que tu incarnes, hein, on a écouté tout à l'heure Alexis HK, que tu apprécies beaucoup. Et s'il y a quelque chose qui vous lie aussi, c'est votre passion pour Brassens. C'est d'ailleurs, c'était un petit peu le sujet d'une de tes chansons, Le Vendeur de Paratonnerre, qu'on va s'écouter tout de suite, si tu veux bien, et on se retrouve juste après. Un de ces soirs de rage où je n'en pouvais plus, on préféra l'amant. Pour compter l'aventure, je m'en allais par en main réparer cette injure. Qu'on laisse pour une fois la parole au cocu, qu'on laisse pour une fois la parole au cocu. Moi qui arpente de la province pour vendre mes paratonnerres, voilà que ma femme s'envoie en l'air avec ce conte de Georges Brassens. Je lui rendis visite chargée de courtoisie alors qu'il se planquait entre deux averses, la pipe toute mouillée, la moustache perverse. Il tremblait de peur et moi de jalousie. Il tremblait de peur et moi de jalousie. Je défonçais de suite son pompe portail, lui qui en toute conscience en avait fait de même, avec le postérieur de la femme que j'aime. Que je couvrais de perles depuis nos épousailles, que je couvrais de perles depuis nos épousailles, moi qui arpente la province pour vendre mes paratonnerres. Voilà que ma femme s'en va en l'air avec ce con de Georges Brassens. Ce fumier n'eut pas tort, certes je fis l'erreur de ne pas installer un bon paracouillon charpenterie à part, en voici la raison. J'avais confiance en toi, au toit de ma demeure. J'avais confiance en toi, au toit de ma demeure. Je lui ferai pas l'honneur de blâmer la Vénus qui me taille à des cornes dans le bois de sa pipe. C'est lui que je lynchais suspendu par le slip. À son arbre fétiche qu'il chantait mordicus. À son arbre fétiche qu'il chantait mordicus. Moi qui arpente la Provence pour vendre mes paratonnerres. Voilà que ma femme s'envoie en l'air avec ce con de Georges Brassens. J'ai eu beau l'enterrer, je l'entends de plus belle dans les cafés concerts, ses petits héritiers n'ont de cesse de chanter comme il m'a coquifié. Ma vengeance est ratée, le con est immortel. Ma vengeance est ratée, le con est immortel. Moi qui arpente la province pour vendre mes paratonnerres, on chante partout que ma femme s'envoie en l'air avec ce con de Georges Brassens. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous avez écouté le morceau Le Vendeur de Paratonnerre de Leïla Huissou pour son nouvel album Auguste, qui est sorti le 9 novembre. Leïla Huissou qui est toujours avec nous à l'antenne, et aussi, comme d'habitude, Mika qui est aussi avec nous. Hein, Mika qui est consultant musical de L'Heure des Loups. Et le morceau, hein, on le voit aussi dans d'autres morceaux. Malgré ton jeune âge, je pense qu'on peut quand même le dire. Malgré ton jeune âge, tu abordes certains thèmes vraiment sans détour. J'espère. Je sais pas. Mais... Alors, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fouillé un petit peu. J'ai vu des petits concerts de toi où je sais plus ce dont il est question dans tous les autres morceaux. Si un enfant communiste dont on va aussi parler tout à l'heure en collaboration avec Mathias Malzieu, qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes. Hein. Tu parles assez ouvertement de sexualité, mais vraiment sans détour. J'ai trouvé un autre concert où tu parlais de d'une femme infidèle qui, quoi qu'elle fasse, elle pouvait pas se retenir, et tu employais les termes, le terme clitoris ou des choses comme ça, des mots qu'on n'entend pas trop dans la bouche de jeunes parce qu'ils sont généralement pudiques. Et je dis ça, je suis pas beaucoup plus âgée que toi, mais c'est vrai que tu as cette lucidité, ce courage, cette force en fait, d'employer sans détour des mots. T'appelles en fait littéralement un chat un chat. Ouais, mais c'est parce que j'aime le fait qu'on ait des mots un peu pour tout, et je trouve dommage de pas utiliser le bon mot au bon moment quand on l'a. Et y a justement dans le spectacle Georges et moi d'Alexis HK, il disait il parle à Georges et il lui dit tu sais, maintenant on dit plus j'aime, j'apprécie, oh là là, je jouis, on dit je kiffe. et ça remplace tous ces termes, alors qu'ils sont chacun, ils existent tous pour quelque chose. Et typiquement, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir pas mal de textes de gens assez jeunes où ils parlent de chatte, par exemple, au lieu de dire justement, on peut dire clitoris plus précisément. Et en plus, ça permet d'autres rimes aussi. Ça permet après cette chanson, pour rendre à l'auteur ce qu'est l'auteur, c'est une chanson, c'est un texte qui est écrit par Patrick Font, et justement, j'aime beaucoup cet auteur pour ça. Et ça me fait marrer que ce soit un mec qui ait écrit ça aussi. Et effectivement, c'est pas ma génération, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ces mots-là, mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus ciblé. Je trouve que j'aime pas être vulgaire pour être vulgaire, ni être choquante pour être choquante. Par contre, quand c'est au service d'un fond, d'un fond précis, visé, on veut défendre autre chose, et là on va employer des mots crus ou des trucs qui choquent pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Là je trouve ça très intelligent, surtout que je sais pour le coup, et ça j'en joue, que dans ma bouche, effectivement ça attire énormément l'attention. J'ai fait pas mal de bars, et effectivement quand une fille qui a l'air d'avoir 16 ans dit l'habitat du dieu ou machin, je sais que j'attrape l'attention des trois poivrons qui étaient en train de gueuler au bar, quoi. Donc c'est aussi une technique pour attraper l'attention, forcément. Mais au service d'un fond. Mais justement, en fait, en employant les mots comme ça, sans détour et avec franchise, on peut dire, bon, je vais peut-être pas dire avec candeur, parce que tu sais ce que tu fais, en fait. C'est pas de la complète innocence, même si tu as une manière d'aborder, surtout avec ta voix, ça fait très innocent. Est-ce que tu te considères comme une artiste engagée ? Non, parce que je veux pas. j'ai un gros débat intérieur avec l'engagement. Surtout quand on décide d'être sur scène, d'être celui que tout le monde écoute en fait à ce moment-là. Et moi, j'estime que j'ai pas encore assez rencontré de gens. Je me suis pas encore assez renseignée. J'ai pas assez baroudé pour me permettre un engagement précis j'ai grandi dans un truc super, j'ai eu des parents assez géniaux, mais avec des avis déjà très très prononcés. Je me suis disputée une fois avec mon papa, qui est un gaucho fini, parce que justement c'était les élections, la Marine Le Pen, tout ça, machin, et je lui parlais de Marine Le Pen en lui disant, mais tu sais, c'est la fille de son père, donc si moi je vote la même chose que toi, extrême gauche, etc., est-ce que je suis mieux que cette fille-là, est-ce que je réfléchis plus qu'elle, voilà, c'est aussi la fille de son père, quoi. Bref, j'ai un problème avec l'engagement, j'ai très peur de me gourer, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, c'est un peu ça, quoi. Je en même temps j'ai des révoltes, et là les seuls sujets sur lesquels je me laisse un peu m'engager, mais c'est même pas un vrai engagement, parce qu'aujourd'hui ça va de soi, j'espère, c'est le féminisme un petit peu. Il y a une chanson sur l'album qui s'appelle En fermant les yeux, qui à la base je m'étais dit, je veux parler de masturbation féminine, voilà, parce que ça m'énerve. À chaque fois que j'en parle à des jeunes filles, ou que le sujet est abordé, je me rends bien compte que, alors les garçons ça rigole, on se paluche, machin, mais alors les filles c'est, oh, de quoi on parle, mais non, mais jamais, oh là là, je sais même pas que c'était possible, arrêtons ça mesdames, voyons. Et au final cette chanson en plus elle est plus subtile que ce que je pensais, parce que j'ai essayé de le faire justement honnêtement, et que dans ça c'est pas juste gras, c'est pas juste voilà. Donc on dépasse les conversations d'hommes où c'est rigolo, on va carrément dans la sincérité de ce que c'est de faire ça, et qu'il y a d'autres choses derrière, il n'y a pas que la masturbation, c'est aussi des pensées peut-être amoureuses ou machin. Il y a des gens qui doivent être super romantiques qui font ça. Je sais pas, en regardant Blanche-Neige, c'est très bizarre. Mais ouais, engagée, je veux pas encore l'être, parce que je suis pas assez sûre de moi, et qu'en plus il y a cette responsabilité de, on est sur scène, quoi. On risque d'influencer des gens alors que nous on n'est pas sûrs déjà, donc c'est pas terrible. Mais par contre, m'engager que moi, peut-être un peu, mais doucement. Après, le féminisme, je voulais pas l'être, je voulais pas être féministe, mais j'avoue que c'est en travaillant, là, en commençant à travailler, que je me rends compte que dans le milieu de la musique, il y a quand même encore beaucoup besoin, quoi. Alors, je sais pas si je le fais bien, mais je pense que c'est quand même important de rappeler qu'on n'est pas moins bien. Voilà. Non, mais tu as entièrement raison, et tu as ta manière à toi de militer, de montrer que voilà, t'es là, t'es pas d'accord, et que l'autre moitié de la population, 52%, il faut le rappeler, existe. Vu qu'après tout, ça je pense que tu le sais mieux que moi, vu que tu as quand même baroudé dans plusieurs villes de France, dont Paris, le féminisme est à nouveau en train de s'étendre, et pas pour rien. Donc en effet, c'est un combat que tu... Un réveil des populations qui se fait doucement ou qui a besoin d'être fait, on l'espère, hein, comme tu l'as fait dans ton morceau En fermant les yeux, que d'ailleurs tu m'as dit il est tellement subtil, j'avais pas tout compris. J'avais compris que c'était le manque d'un amant. Après, il y a des moments où, mais c'est vrai que c'était tellement subtil que j'avais pas compris que c'était le sujet principal. En fait, on s'est posé la question là sur le live typiquement de la présenter, parce qu'effectivement c'est pas ça va pas de soi quoi avec le texte, et on s'est dit que si justement on réduisait ça à juste une chanson sur la masturbation, on perdait toute la subtilité du sentiment qu'il pouvait y avoir, de justement du manque aussi, parce que c'est quand même un truc qu'on fait seul, enfin je veux dire a priori, mais donc y a aussi beaucoup de y a la solitude dans cette chanson, il y a tout plein de choses comme ça, il y a le vide, le corps qui est spécial quand même, mais donc on s'est dit on va pas la réduire à ça, et les gens pourront, c'est important sur cet album, toutes les chansons sont à interprétation libre, voilà, prenez ça comme vous voulez, et chacun en fait absolument ce qu'il veut quoi, et c'est ça qui est chouette aussi quoi, faut y laisser vivre, voilà. En parlant d'interprétation libre, il y a un autre morceau qu'on va s'écouter dans très très très peu de temps, qui, alors moi c'est vrai que j'ai vu les vidéos de présentation de ton album, donc je pense avoir compris quand même l'histoire que ça raconte, que j'avais pas compris avant. Il s'agit d'Un enfant communiste, fait en collaboration avec Mathias Malzieu. Je pense qu'il y a matière à faire là-dessus, Mika et moi sommes d'accord. Donc si tu le veux bien, si Mika toi aussi tu veux bien, on va s'écouter ce morceau et le décortiquer juste après. Tu veux bien? C'est parti. Ok, alors à tout de suite, et c'est, ça y est, je retrouve le morceau, Un enfant communiste avec Mathias Malzieu. Parce qu'on se fout des règles, parce qu'on s'aime au-delà, il fera de sa naissance une grève, et du rouge son combat, conscient en pleine révolution. Et même s'il est pas beau, il pourra pas non plus être con. Pour un chef aussi et marteau, si nos drapeaux sans éclat n'ont plus grand chose à faire rêver, on fera comme à chaque coup d'état un tout nouveau calendrier. Notre démocratie populaire fêtera d'un accouplement chaque début du mois lunaire. De quoi venir gonfler les rangs. On fera un enfant communiste sur la plus petite des montagnes. Le plus grand des alpinistes se fout que Lénine soit en campagne. On en sort moins élégant, mais il en faut pour les perdants. L'impossible mérite l'espoir. Faisons un enfant ce soir. La science peut bien nous donner tort. Nous on aura nos lois martiales. On va redonner au coup du sort de bénir le lit marital. Tant que la chair de notre sang sous les toiles rouges conçues ne ressemble pas pour autant au Karl Marx des statues. On fera pas de chasse aux sorcières, même si on tâche tout l'état. Y'a pas d'égalité sans guerre, y'a pas d'amour sans dommage. Et quand tout aura brûlé, le parti de la fronde verra son étendard germer au creux de l'origine du monde. On fera un enfant communiste sur la plus petite des montagnes. Le plus gland des alpinistes se fout que Lénine soit en campagne. On en sort moins élégant, mais il en faut pour les perdants. On fera un enfant communiste sur la plus petite des montagnes. Le plus grand des alpinistes se fout que Lénine soit en campagne. On en sort moins élégant, mais il en faut pour les perdants. L'impossible mérite l'espoir. Faisons un enfant ce soir. C'est la note finale. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous avez écouté à l'instant le morceau Un enfant communiste avec Mathias Malzieux, morceau de Leïla Huissou qui figure d'ailleurs dans son nouvel album Auguste. Alors Leïla, dans cet album d'ailleurs, c'est le seul morceau que tu as chanté à deux. C'est vrai, c'est le seul morceau qu'on a écrit à deux aussi, voilà. C'est Nicolas Vivier qui a écrit ce morceau avec moi. Et donc on l'avait écrit en pensant à un duo, enfin on l'a écrit en ping-pong. Et donc on s'est dit qu'il fallait bien un duo pour l'interpréter. Et c'est pour ça. Et comment est venu le choix de Mathias Malzieux? Bah alors c'est venu avec le thème, enfin quand on s'est dit bah il faut trouver quelqu'un pour la chanter, on a réfléchi un peu à des chanteurs, il y a des noms qui sont sortis et justement on s'est dit ce serait sympa d'essayer parce que sur cet album on a demandé à beaucoup de gens qui sont plus avancés dans leur carrière, bien plus avancés que nous de participer et on pensait se prendre beaucoup de portes et on s'est pris que des oui. Alors du coup on s'est dit bah on va tenter de taper un peu dans les chanteurs connus quoi. Oui. Et donc on a sorti des noms comme ça et typiquement Alexis HK avec qui j'adorerais chanter, je me disais ça va pas du tout coller parce que la chanson parle de l'amour pendant les règles en fait et je me dis mais je me vois pas, Alexis HK pour moi c'est l'élégance, c'est un truc très, enfin, donc je me disais ça par exemple ça allait pas du tout et quand le nom de Mathias est sorti je me suis dit mais oh là là, c'était évident, parce que il y a le côté crooner, il y a le côté... alors, c'est assez sale, mais il a eu une maladie avec son sang, il a écrit Le Vampire en pyjama juste après, le rouge est présent, enfin, je veux dire, il a un personnage décalé, ça marchait, et c'était même fait pour ça, quoi. Et donc on a tenté, on s'est dit, bon, bah... on essaye, on l'appelle, allez c'est parti et le mec a dit oui quoi donc trop bien, trop content et effectivement je pense que c'était la bonne personne juste parce que déjà le thème l'a pas effrayé, je lui ai dit cash, ça lui a pas fait peur, ça l'a fait rire et voilà, donc, c'est parti quoi. Mathias Malzieux, auteur, compositeur, interprète du groupe Dionysos, entre autres. Il a aussi publié pas mal de romans. Tu le disais, le dernier en date, c'était Vampire en pyjama par rapport à sa maladie rare qu'il a eue. Forcément, j'ai envie de dire presque comme tout artiste, il transforme ce qui lui arrive dans la vie en œuvre d'art, que ce soit littéraire ou musical, et souvent les deux d'ailleurs, hein, avec son groupe Dionysos, souvent il y a le pendant roman et CD. Et même film maintenant. Ouais. Oui, La Mécanique du Cœur. Oui. Ah, La Mécanique du Cœur, et là on prépare un autre, où là il va sortir le CD, le livre et le film qui vont ensemble tout d'un coup. Je sais pas quand, mais ça va tout péter bientôt. Donc on recommande hein, aux auditeurs qui n'auraient pas encore, qui aiment la poésie, au sens large et qui ont envie un petit peu de s'évader, de se pencher du côté de Mathias Malzieux. Et donc quelqu'un qui écrit comme lui, est-ce que quand on lui propose une chanson comme celle que tu as proposée, Leïla, qui est toute faite, est-ce qu'il veut retoucher des choses ou est-ce qu'il accepte de jouer le jeu en étant dirigé et en chantant exactement les mots tels qu'ils sont? Il a plus qu'accepté de jouer le jeu et il a plus, enfin, il est vraiment venu, il était au service du truc, il a fait tout ce qu'on lui a demandé, il était même trop mignon, il attendait les directives. Après, le truc, c'est que c'est Mathias Malzieux, donc il y a des choses, sans même qu'il le sache, où il y a sa patte, mais c'est pas pour rien qu'on lui a demandé à lui, donc il y a des moments où sans le vouloir, il a imposé son style, mais c'était exactement ce qu'on voulait. Donc, non, c'était vraiment, il s'est mis là où on lui a demandé et il a été Mathias Malzieux comme on voulait, donc c'était assez parfait. Dans cette chanson qui, comme tu l'as dit, hein, parle de faire l'amour pendant les règles, hein, ça peut être aussi un sujet assez tabou. On a tendance à se dire que le sang des règles est sale. D'ailleurs, je me permets quand même de faire un petit rappel, hein, c'est le seul sang qui n'est pas issu de violence, donc non. tout va bien, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire un texte là-dessus? Est-ce que c'est la continuité de ton engagement féministe, comme pour le morceau En fermant les yeux? Alors honnêtement, pas du tout. C'est juste une petite histoire qui m'est arrivée. C'est avec justement Nicolas Vivier qui est le co-auteur de cette chanson. On s'est retrouvés un soir où on attendait pour un concert, une sortie d'album, et puis on s'est retrouvés dans un bled complètement paumé, et on cherchait juste un endroit pour boire un coup. Et on a trouvé au milieu de nulle part, c'était très surprenant, un bar un peu vieux bistrot, qui était tout peint en rouge, toute la devanture était rouge, et qui s'appelait Che Guevara. Et ça nous a fait beaucoup rire. Et donc on a passé l'après-midi dans ce bar. Moi je tiens pas du tout l'alcool, donc j'ai prouvé que je ne tenais pas l'alcool cet après-midi-là. C'est un peu gênant à raconter, mais je le raconte sur scène, alors je peux le faire maintenant. Il y a un moment où, un peu saoul, c'est un beau jeune homme, je sais pas, il s'est passé le truc où voilà. Et il se trouve que j'avais mes règles, et comme j'étais complètement bourrée, je lui ai dit comme ça. je lui ai dit, mais on peut toujours faire un enfant communiste, et c'était la vanne a mal tourné, ça a fait une chanson. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc c'est absolument ni engagé, ni rien du tout, c'est une jeune fille bourrée qui fait une mauvaise blague, et ça finit sur un album, voilà, avec Mathias Malzieux, qui a même pas eu peur, quoi. N'importe quoi. C'est une blague qui est finalement très bien finie. Et tu lui as dit à Mathias, l'origine il a tout, il a même rencontré le garçon. Ah. On l'a pas emmené au bar d'ailleurs, faudrait que je l'emmène. On va l'emmener, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sympa avec toi, Laïla, hein, c'est un peu ce que disait Lou tout à l'heure. Tu proposes des thèmes qui ne sont pas habituels. Bah ouais, parce que sinon, comme ça, j'ai pas de risque de faire une moins bonne chanson sur un thème qui a déjà été traité. comme ça, je suis sûre que ça passe. Et c'est aussi ce côté un peu impertinent que j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'ai je peux pas te trouver impertinente, mais par rapport à ce qui sort dans les bacs ou à ce qu'on aurait tendance d'attendre d'une jeune femme de moins de 30 ans, ça sort des carcans préétablis de la société, on va dire ça comme ça. Et tu es là et tu bouscules en fait un petit peu. Oui, bon, Mika, il me voit bouger des mains partout dans le studio, mais c'est dommage, toi, tu me vois pas. Mais toi, tu bouscules en fait un petit peu ces pensées ou ces clichés qui sont là, ou voilà, ces choses comme ça. Et tu es là pour dire, en fait, non. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai trouvé. Tant mieux. Tant mieux, moi ça me fait plaisir. J'essaie sincèrement de pas être influencée ni par l'entourage de l'artiste, donc c'est-à-dire programmateur, directeur de salle, producteur, journaliste, etc., qui forcément nous influencent parce que nous font des retours, ils nous disent aussi ce qui se fait en ce moment, ce qui se fait pas, ce qui marche pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se permettre ou non. Donc j'essaye de pas écouter tout ce milieu-là, et j'essaye surtout, mais ça c'est pas difficile pour moi, j'ai jamais été très à la mode, mais du coup j'essaye de pas non plus être influencée par les modes, et juste d'essayer sincèrement de faire un truc que je trouve bien, voilà, que j'aimerais peut-être que moi j'aurais plaisir à écouter, enfin j'essaie, mais effectivement ça m'a beaucoup perturbé ces derniers temps quand j'ai découvert le milieu, de voir à quel point je pense pas que les artistes d'eux-mêmes soient en concurrence, mais tous les acteurs du milieu qui sont autour de nous mettent dans une espèce de concurrence où t'as l'impression que s'il y en a un qui réussit, il te pique ta place. Alors qu'en fait, en chanson française, on a besoin qu'il y en ait qui réussissent en ce moment, parce qu'il n'y a personne qui tire. Enfin, là, il y a Gauvin, certes, qui tire un peu la chanson française, mais sinon, avant qu'il y ait Gauvin, justement, il y avait... Quand quelqu'un me demandait ce que je disais comme style de musique et que je disais chanson française, des fois, on me disait comme Louane. Et Louane, c'est très bien, mais c'est de la variété. Et en chanson, il n'y a pas grand-chose qui marche très fort, je veux dire. Et donc moi, j'attends que plein tous mes copains marchent, j'ai envie que tout ça marche, juste pour que la chanson existe encore et ça nous tire que les gens réussissent. Et donc je trouvais dommage cette concurrence qui fait que la plupart des artistes maintenant se demandent comment plaire au lieu de se demander comment faire un truc de bien, parce que c'est tout ce qu'on essaye normalement de faire, quoi. Donc voilà, j'essaye de pas me demander si ça va plaire ou si ça va pas plaire, et j'essaye de juste

justement, tout à l'heure, on parlait d'engagement, et c'est un peu mon cheminement avec, avec l'engagement, les artistes engagés et tout ça. Parce que ça va faire 4 ans maintenant que je fais de la musique, et plus ça va, plus je comprends comment ça fonctionne, ce milieu, ce truc, et plus je vois d'autres gens aussi jouer. Il y a des choses qui m'énervent, des choses qui m'énervent beaucoup même. Et typiquement, j'ai rien contre les artistes engagés comme un Frédéric Fromet, que je trouve excellent et que je trouve très important. Mais après, il y a un truc dont je me suis aperçue aussi, moi, en essayant à des moments de reprendre des chansons engagées ou ce genre de choses. Le public qui est en face de nous, il est d'accord déjà avec nous. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on va dire justement que je suis gonflée, que j'ai pas peur, que machin, mais c'est faux, parce que, je veux dire, moi, ça m'est jamais, personne m'a jamais agressé en me disant que je pouvais pas dire ça, personne n'est jamais sorti de la salle, ça fait rire les gens sont d'accord. En plus, derrière, j'ai un sourire et on m'excuse tout, et je me suis dit, mais c'est quand même gonflé, j'ai pas envie d'être engagée si c'est pour gueuler sur des gens qui sont déjà d'accord avec moi, en fait. Les concerts de reggae, là, où ils ont tous le poing levé, anticapitaliste, et le chanteur, il boit du coca, ça m'énerve. Et non, mais, je veux dire, la cohérence, pour moi, il y a que ça. On peut pas faire n'importe quoi avec ça, parce que être faussement engagé, ou être engagé, mais pas être cohérent derrière, c'est encore pire que de pas être engagé, en fait. J'ai rien contre les artistes qui font un truc joli juste pour faire un truc joli. Je trouve ça bien, même. Et donc, cette chanson, c'était un peu ça, où on se dit, mais attends, mais là, tous les mecs qui se félicitent de chanter, là, j'ai vu un truc passer, un article, il n'y a pas si longtemps que ça, Julien Doré, qui chante un truc anti-corrida dans une arène, je sais pas, dans le sud, où ils font encore des corridas, oh là là là là. Et en fait, tu sais très bien que derrière, la vie sociétale sera favorable à Julien Doré, bien sûr, et bien sûr qu'il sait ça, et bien sûr qu'il passe pour le meilleur gendre de la Terre, mais c'est très bien, super, mais en attendant, on prend pas de risque, on prend aucun risque, et on va arrêter de faire semblant qu'on est flippé, ou qu'on est des super-héros, alors qu'on est rien du tout. On nous donne un micro, on est sur une scène, on est au-dessus de tout le monde, on est devant tout le monde, on a des lumières qui nous rendent beaux, qui sont là pour faire semblant qu'on est impressionnant. Et forcément qu'on est impressionnant, mais c'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Il y a un moment, il y a quand même des gens qui se sont fait couper les doigts parce qu'ils faisaient de la guitare, il y a des gens qui se sont... Enfin, il y a eu des vrais combats, justement, à La Fontaine, à Molly. Enfin, je veux dire, il y a eu des vrais gens qui ont pris des risques pour un engagement. Aujourd'hui, il y a plus de risques. Pas pour nous, en France, petite chanteuse, Leïla, française, qui bien mignonne, avec un public de gens assez âgés, qui ça fait marrer, tu vois. C'était ça, quoi. C'était, bon, bah, vas-y, ça change rien, mais vas-y. Mais arrête de... Enfin, faut pas faire... Je vais pas faire semblant de prendre un risque, en fait. C'est fini, ça. Pour nous. C'est, bref, oui, voilà. c'est une chanson dans laquelle tu n'as vraiment pas pris de gants, parce que c'est, bah, comme tu l'as dit, tu parles de toi, donc c'est extrêmement autocritique. Et moi, comme tu disais plus tôt, tu n'arrives pas à poser ta voix. Moi, ce morceau, il m'a très vite pensé à plein de choses. Alors, je sais qu'avec avec tout cet orchestre, je me souviens aussi du reportage que tu avais fait, la petite annonce pour ton album, pardon, tu voulais faire un truc un petit peu bancal et tout, qui m'a beaucoup fait penser aux Ogres de Barbac, surtout l'album que je connais le mieux, Du Simple au Néant, sorti en avril 2007, donc ça remonte. Voilà, c'est ensemble un petit peu, qui a l'air d'être bancal, mais qui tient, avec une voix, moi, qui me faisait beaucoup penser à Olivia Ruiz. J'ai trouvé ça très... je peux pas claquer des doigts dans les micros, ça se fait pas. Mais ouais, ça m'a interpellée, en fait, tout de suite. C'était volontaire de la mettre en premier ? Oui, c'était volontaire, parce que cet album, il découle de tous ces constats que j'ai faits. C'est vraiment un album où la colère, elle est quand même assez présente. Alors, il y a plein d'émotions, mais la colère, elle a été assez moteur. Et surtout parce que, en fait, j'ai vraiment choisi de le faire. Il y a eu un moment où je me suis vraiment retrouvée, je me suis vraiment posé la question de « Est-ce que tu es sûre de vouloir continuer la musique ?» à cause de ce milieu. Est-ce que vraiment tu vas tenir? Est-ce que vraiment tu crois que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas un truc qui est en train de te pourrir? Et parce que je me suis pris une baffe, hein, je me suis pris une baffe en découvrant en découvrant comment ça se passait, qu'il fallait faire ce qu'on nous disait. J'ai vraiment une énorme déception et du coup c'est vraiment parti de ce sentiment de colère, de déception, tout l'album, toutes les chansons, ce clown aussi il est venu là-dessus parce que justement ce côté un peu rien à foutre, ce côté un peu nonchalant, un peu cru, un peu il vient de là parce que j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie de jouer ce jeu et j'ai surtout pas envie de devenir justement la personne qu'il faut, là où il faut, qui dit ce qu'il faut au bon moment. Je sais pas, je suis toujours mal à l'aise dans les trucs guindés, je cours tout le temps, et à chaque fois qu'il faut donner des idées promo, je ne donne jamais à la bonne personne, je donne à la personne qui pourra rien faire pour moi, mais je sais pas, c'est peut-être celle qui ça va faire plaisir en fait. Voilà, j'ai un côté complètement anti-calculateur, anti tout ça, et donc tout part de cette colère, de découverte de ce métier qui m'a tellement déçu, tellement déçu. C'est un peu triste, hein, mais... Voilà, j'ai besoin de m'énerver un coup pour après me détendre. Et si je ne m'abuse, ce sujet du business musical, tu l'évoquais déjà dans ton premier album L'Ombre sur la chanson de la merde grand public. Ouais, alors un petit peu, mais là je pense que c'était le tout début de où j'avais réalisé ça. Mais alors là c'était un petit peu différent parce que la merde grand public, je parlais surtout du retour que me faisaient les gens. Et comme je sortais justement de The Voice, etc., c'est un truc qui est complètement à double tranchant, c'est-à-dire que ça m'a fait une bonne pub et on m'a appelé après, ça m'a aidé, ça m'a ouvert certaines portes, mais ça m'en a fermé beaucoup et ça m'a fermé celle qui m'intéressait, donc c'est-à-dire celle du milieu de la chanson indépendante où il y a des programmateurs qui voulaient même pas m'écouter parce que TF1 elle sort ce truc là et je comprends tout à fait, hein. Mais du coup j'ai dû me battre pour pas qu'ils le mettent sur les affiches parce que ça attirait le mauvais public. Moi je voulais jouer devant des gens qui aiment la chanson, pas devant des gens qui voulaient que je leur fasse caravane 6 fois de suite pendant tout le concert, quoi. Bon, voilà, donc j'ai dû me battre de ce côté-là et c'est vrai que les gens que j'aimais beaucoup, en fait les musiciens que j'admirais, ils me tenaient le discours justement, tu fais de la merde en public, t'es bien mignonne, bah profite-en le temps que ça dure, et voilà, donc c'était pour ça. Laïla Ouissou qui ouvre cet album Auguste avec une chanson qui la présente, vous l'avez entendu tout à l'heure, La Farce. Est-ce qu'il ne te présente pas ou ça te présente, notamment par l'originalité, hein, on le disait tout à l'heure par les sujets, les thèmes de chansons, l'originalité est de mise aussi sur la pochette de l'album Auguste, puisque quand je dis que ça ne te présente pas, on ne voit pas ton visage. Et c'est rare pour une pochette d'album. Oui, surtout en chanson, pour une chanteuse jeune, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce visuel? Je l'aime bien. Je suis contente de ce visuel et je trouve qu'il est bien pour représenter cet album parce que justement le fait qu'on voit pas mon visage, on ne sait pas si je suis en train de sourire, on ne sait pas si je suis triste, on ne sait pas si je suis neutre, si je suis en colère ou même si c'est moi. Et je trouve que ça laisse encore une fois libre interprétation pour les gens. Ils partent pas avec un a priori à part le rouge et ma gorge parce qu'on voit ma gorge et a priori c'est mon instrument donc tout va bien. J'aime bien ne pas donner plus de pistes que ça et puis j'avoue que ça c'est surtout un truc de petite peste parce que sur le premier album on me voit déjà très très peu et ça a fait jaser, ça a énervé quelques personnes, ça a été un petit débat avec ma boîte de production qui sont très très cool avec moi, hein, on s'était déjà un petit peu battu avec ça. Et donc sur le deuxième, en studio, qui va être distribué, bon bah là on va bien voir ta tête Leïla, bien sûr, jusqu'à que, ah bah non, pas du tout en fait, voilà. Ouais, là c'est juste pour emmerder le monde, là. C'est beau aussi, je veux dire, quand... Je parlais d'art tout à l'heure, c'est le cas, hein, cette pochette. Lou qui m'écrit d'écrire la pochette, mais elle l'a fait, elle l'a décrit, elle a dit qu'on voyait son cou, qu'on voit le rouge du haut de je ne sais pas, je crois que c'est une robe. Je suis recouverte de gouache, en fait. Ah, c'est de la gouache. C'est de la gouache. D'ailleurs, la gouache n'est pas faite pour la peau. Donc n'essayez pas chez vous. J'ai été rouge pendant un bout de temps. C'était bien. Voilà. Et dernière chose, avant qu'on doive déjà rendre l'antenne, parce que voilà, une heure s'est passée très vite, on n'a pas parlé du titre de ton album, hein, qui d'ailleurs a une chanson du même nom. Auguste, d'après ce que j'ai compris, c'est un nom qui n'est pas choisi au hasard. Est-ce par rapport au clown ? Exactement. C'est c'est le clown avec le nez rouge, le compagnon du clown blanc. Voilà, c'est juste que, encore une fois, c'est l'expérience du premier album. Le premier album, je l'ai écrit dans un... J'étais une ado un peu noire. Hein. Voilà, donc c'est l'ombre, c'est un peu torturé, c'est un peu machin, c'est des tout petits sentiments et j'en fais des drames incroyables. Et quand je m'imaginais le chanter sur scène, je pensais être très élégante, justement, à l'Alexia Lachka, à la Dalida, un truc hyper classe. Et je me suis rendu compte que non, moi, en fait, je fais marrer les gens, même quand j'essaie d'être dramatique, quand j'essaie d'être tout ce que je veux, je fais marrer les gens. J'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Et voilà, la chanson, elle dit ça, elle dit, si tu seras auguste, on choisit pas de quel côté des raies on va. Et c'est un débat que j'ai avec mon grand-père depuis très longtemps, parce que c'est lui qui m'emmène au cirque et on adore les clowns. Lui, il pense que le clown blanc et l'auguste, ils échangent selon les soirs, selon leur humeur, selon tout ça. Et moi, je suis persuadée qu'on choisit pas. Il y a des mecs qui se posent devant toi et ils font rien et ça te fait marrer, parce qu'ils ont, je sais pas, une gueule, une présence un peu bancale, un peu nulle. Moi, je suis comme ça. Et puis après, t'as ceux qui ont un... J'ai un ami qui est très très gentil par exemple, qui est adorable et que tout le monde pense qu'il est toujours un peu prétentieux, un peu parce qu'il est très grand, il a un regard un peu du dessus comme ça, alors que pas du tout, c'est un nounours, mais on a tous un truc qu'on dégage comme ça. Bah, moi je suis un pauvre clown, quoi. t'es un petit clown comme on l'entend si bien à travers tes différentes chansons. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui ont peut-être envie d'écouter ta voix en live, est-ce que tu as prévu de passer dans l'Est ? L'Est, c'est large. On va dire en Lorraine ou dans les Vosges. T'étais à Masbrook il n'y a pas longtemps. À quoi Masbrook, c'était... C'est peut-être. En fait, j'avoue que je suis très très nulle pour me souvenir des... Plus ça va, plus il y en a et plus je suis nulle. Alors je me souviens des gens qui nous accueillent, mais rarement des endroits. Et je dors dans le camion, donc rarement de la situation géographique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... On a un site internet leilahuissou.com et puis il y a le Facebook aussi leilahuissou où il y a toutes les dates qui sont mises et en fait ça va arriver au fur et à mesure parce qu'on commence à peine la tournée. Là on sera dans le nord cette semaine, on sera à Fruges et à Hazebrouck, je sais pas comment on dit. On va faire une sortie d'album à Lyon et une à Paris et puis maintenant on a un tourneur belge et un tourneur suisse, donc on ira aussi en Belgique et en Suisse, donc je pense que si on va jusque là-bas, on fera l'Est, forcément, et on va essayer de faire toute la France. De toute façon, on a deux ans de tournée, on va bien venir. Voilà, faut surveiller les dates. On l'espère de tout cœur, Leïla. En tout cas, pour ton album Auguste, hein, comme tu l'as dit, tu es en pleine tournée promotionnelle. Et on espère de tout cœur pour toi que ça se passe bien. Dans tous les cas, je suis certaine que les auditeurs sont tombés sous le charme de ta chanson. D'ailleurs, j'ai du mal à choisir le morceau qu'on passera après le générique. Est-ce que tu en as un à nous suggérer en particulier ? Auguste, on en a parlé. Auguste, c'est pas mal, ouais, pour finir, je pense. La conclusion. Eh bien, va pour Auguste pour la conclusion. Mais avant, comme d'habitude, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée et du lendemain. Donc, on est lundi soir. On retrouvera à 20h François pour son calendrier des esclavages et des libérations. Puis, de minuit à 1h, la rediffusion de la bulle de Lia qui, ce midi, a reçu Hugo, artiste des studios Airplay à deux pas de chez nous. Sinon, demain matin, 7h-8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie de la chronique de Lia. Et enfin, 8h30, la matinale de Marion qui va rencontrer le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h-19h en direct comme d'habitude pour parler d'animation avec Pat Anime, hein, qui doit être connu dans le secteur. Enfin bref, hein, une belle soirée, une bonne émission en perspective pour demain. Leïla, en tout cas, merci beaucoup pour l'émission qu'on a faite avec toi. C'était vraiment un plaisir, très content d'avoir pu te rencontrer radiophoniquement. Merci à vous, et merci d'aimer la farce. Merci. Trop contente. Mais je t'en prie. Je pense que ça va tourner à nouveau dans ma voiture quand je vais rentrer à la maison. Mais dans tous les cas, hein, beaucoup, beaucoup de courage. Et comme je le disais, le podcast... Ah oui, parce que j'ai pas parlé du podcast de l'émission. Donc pour ceux qui veulent réécouter l'émission, elle sera disponible sur notre site internet radiogemouzo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemouzo. Dans tous les cas, que ce soit sur Facebook ou sur notre site internet, ta page Facebook et ton site internet seront indiqués, comme ça les auditeurs n'auront pas de mal à trouver un accès à tes sites en fait. Donc voilà, Mika, merci beaucoup pour ta présence, ta bonne humeur. Merci à toi et à Laïla. Et Leïla, merci beaucoup. C'était très très précieux de faire cette émission avec toi. Donc... Ben, merci. Bonne soirée à tout le monde. Oui, bonne soirée à toi. Et juste après le générique, hein, les auditeurs auront le privilège d'écouter Auguste. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous. Ciao.